Bonjour. Avant de commencer, un petit test pour régler le volume. Vas-y, ajuste le son. Voilà, on est prêt. Profite de ce début pour t'installer confortablement et laisse-toi pénétrer par le paysage, les couleurs et les formes qui t'entourent. Nous, c'est Ander et Corinne, musicien et chorégraphe de la compagnie Rouge et Léa. On t'a invité dans ce jardin pour te proposer une expérience participative, une invitation à contribuer à nos recherches qui débutent ici, sur les abords du Lignon. Tu vas entendre les voix de Christian et de Yann, respectivement jardinier à la Bâtie d'Urfé et médiateur culturel du château et de ses jardins. On a rencontré Christian à l'ombre de ce grand chêne lundi après-midi. Notre enregistreur en marche, il commence à nous raconter où on se trouve. Alors on est dans les jardins du château de la Bâtie d'Urfé. Donc ce sont des jardins qui ont été réaménagés dans l'esprit des jardins existants à la Renaissance. Donc moi je suis Christian, je suis le jardinier de ce domaine depuis 25 ans maintenant. C'est un jardin qui est composé de 16 carrés de buis avec des ifs taillés en taupière dans les angles. Donc il y a 60 ifs au milieu qui sont taillés une fois par an pour garder ce côté un petit peu cône, voilà, et pas échevelé. Alors là, actuellement, ils ne sont pas taillés à cause de la sécheresse. Et puis les bordures de buis, voilà, ça fait à peu près 4 km à tailler, qui sont taillées une fois par an aussi. Voilà, dans un respect du style de l'époque, donc c'est une taille naturelle, cordeau, ciseaux, cisaille à main et niveau. Alors c'est un jardin qui est très géométrique. À la Renaissance, les concepteurs de jardins vont reprendre l'idée vraiment des jardins du Moyen-Âge, qui sont des jardins géométriques, symétriques. Alors on est au XVIe siècle, on n'est pas encore dans le jardin à la française, hein, qui va naître au XVIIe avec le nôtre. Là, on est dans des espaces qui sont plus limités, mais on a cette nécessité d'avoir des formes géométriques, d'avoir une symétrie. Et c'est ce regard de cette domination de l'homme sur la nature. C'est qu'on veut être plus fort que la nature. Et on va la contraindre, on va l'empêcher de pousser, on va la tailler, on va donner des formes aux végétaux, ce qui n'est pas leur forme naturelle, hein. Si vous laissez un buis pousser, ça va être un joli buisson. Un if va devenir un arbre qui monte à une dizaine de mètres avec un port très étalé. Alors que là, nous, ils ont près de 70 ans et ils font 2 mètres de haut. Donc, c'est vraiment ce côté-là. Et là, à l'inverse, on est sous un chêne. Et là, pour le coup, l'ombre est très appréciée. Mais là, c'est le chêne qui nous domine. Donc, c'est plus la même histoire. Donc, nous, on veut vraiment... C'est cette philosophie-là, c'est cette perception-là de cette image de pouvoir de l'homme sur la nature. Et au XVIe siècle, plus on a un jardin important, travaillé, sculpté, plus on a de l'influence. Vouloir être plus fort que la nature. Voilà un concept qui résonne de manière paradoxale dans notre projet. Nous nous retrouvons dans un jardin de la Renaissance, alors que nous nous questionnons sur les plantes sauvages. Laissons voir comment la manière de concevoir les jardins d'agrément des hommes de la Renaissance peut influer notre démarche. Et ici, on trouve deux espèces. Effectivement, vous avez sous les yeux des espèces qui sont des espèces qui ne perdent pas leurs feuilles, justement. Donc, vous avez des ifs et des buis. Donc effectivement, sur ces jardins de verdure de la Renaissance, il y a une sorte d'idée d'immortalité, d'immuabilité. Même si on se rend compte qu'effectivement, en réalité, ces espèces ne sont pas immuables, surtout sur les buis qui souffrent de nombreux parasites modernes et qui nécessitent en fait une attention de chaque instant, en fait, finalement. Voilà, je te trouve face à ces deux végétaux aux feuilles pérennes, organisées mathématiquement pour le plaisir et le confort. Alors, comment tu te sens ici ? Est-ce que dans ce décor, c'est le cycle de la vie qu'on a voulu figer ? Te sens-tu un peu immortel à cet instant ? Il y a une forme de sérénité, de tranquillité qui se dégage, je trouve, de ce jardin. On est sur une vision qui est celle d'une époque, hein, de la Renaissance, qui est celle de la maîtrise totale de l'environnement. Mais je trouve qu'il y a une sérénité, un ordre qui contraste justement avec la nature sauvage qui est juste derrière et le lignon qui coule à quelques centaines de mètres en fin de compte. Le jardin, c'est un lieu créé par l'homme, arraché à la nature. C'est les mots de Pétrarque, hein, l'humaniste italien et poète du Moyen-Âge. Et on pense que ce qu'il y a au-delà du mur, la nature sauvage, justement, c'est quelque chose de dangereux. Et c'est pour ça qu'on ceint les jardins de mur. Voilà une idée qui nous invite à aller voir de plus près à la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, lève-toi. Et sur ta gauche, emprunte l'allée sur laquelle tu te trouves. Parallèlement à la façade du château, avance jusqu'au bout de l'allée qui borde la prairie. Avance jusqu'à l'endroit où le mur d'enceinte reconstruit rencontre les vestiges du mur ancien. Ce sera là-bas, vers le bord du bief, ton prochain point d'observation. Si tu prêtes attention, sous tes pieds poussent des pissenlits, là où on ne les attend pas forcément. Et la question que je me pose, est-ce qu'ils sont gênants ? Alors, à l'intérieur ici, ils ne sont pas les bienvenus. Forcément. Parce que nous, on est censé les enlever. Alors après, j'arriverai jamais à tous les enlever et il faut trouver l'équilibre entre ce sauvage. C'est du sauvage domestiqué, en fait. Je crois que c'est là où on trouve cette petite nuance. C'est pareil, dans les ifs, il y a des ronces qui sortent, il y a du sureau qui pousse. Parfois, il y a des frênes. Là, ben, voilà, l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'ils se développent parce qu'il y a une structure à garder et puis il ne faut pas qu'il y ait une concurrence qui mette en péril la structure même du jardin. Mais le sauvage, il est omniprésent. Christian porte une attention de chaque instant. Un équilibre, comme il dit, contre ces plantes joueuses qui s'installent là où on ne les veut pas. Et lui, il s'emploie à désherber avec des méthodes naturelles. Parmi ces végétaux non autorisés, on se demande s'il y a parfois des exceptions. J'avais une orchidée qui poussait, une orchidée sauvage, une orchis commune, voilà, qui poussait dans un des carrés, qui refleurissait, qui ressortait chaque année. Les gens l'épargnaient. La laissait, moi je ne l'attendais pas, je contournais mon orchidée, parce que j'avais vu les feuilles apparaître, j'ai dit tiens ça c'est une orchidée. Donc j'étais très content de mon orchidée, puis un jour elle a été coupée par un visiteur, et depuis elle a disparu. Dans ce carré-là, je la regardais chaque année, je la ziotais, parce que sur les premières tontes elle n'avait pas poussé, mais je connais un petit peu le cycle végétatif, et là je disais ah, faut faire attention, et puis on voyait poindre la première feuille, et du coup voilà, je la contournais. Nous voilà près de l'eau du lignon. C'est notre nouveau point d'observation. Alors, observe le reflet, les couleurs, les formes qui apparaissent. Peut-être que des sons extérieurs se distinguent parmi nos voix. J'aime bien venir ici parce que c'est sa berge, je trouve le lignon qui s'écoule en permanence, en fait, puisque la particularité du bief de la bâtie, c'est qu'il est c'est qu'il prend il, on, en fait Claude Durfé au 16e a choisi de se servir dans la nature. Il a pris une partie, le lignon pour alimenter ses jardins, mais aussi c'est les douves du château. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a prise de contrôle humaine sur la nature, et finalement au sud du jardin l'homme lâche prise finalement, et le lignon retourne à son cours naturel. Je trouve que c'est assez éclairant sur la vision que les hommes de la Renaissance avaient sur le vivant et sur la nature, en fait. Est-ce que tu t'es déjà demandé d'où vient l'eau qui coule de ton robinet à la maison? Et cette eau-là qui coule devant nous, d'où est-ce qu'elle vient? Yann nous dit 2 km 6 en amont, là où le bief, ce canal a été tracé pour les besoins du jardin. Dans cet endroit, amuse-toi à faire cette expérience du passé. Le son de l'eau qui ruisselle d'ici a sans doute apaisé des hommes depuis le XVIe siècle. Ont-ils eu une pensée vers le futur? Et toi, qui as une pensée vers eux, as-tu des pensées pour le futur? Les reflets seront-ils distincts, différents? Les sons seront-ils perçus de la même manière dans 100 ans? Remets-toi à marcher dans la prairie en direction des carrés. C'est peut-être au niveau de cette prairie que se trouvait le labyrinthe évoqué dans l'astrée. Parce qu'on sait qu'il y avait un labyrinthe dans ce jardin, en coudrier, donc en noisetier. Alors, un labyrinthe Renaissance, ce n'est pas un labyrinthe avec des cul-de-sac. Les haies, déjà, elles mesurent entre 70, 80, 90 cm de hauteur maximum. Les haies hautes avec des cul-de-sac, ça naît dans les jardins anglais au XVIIe siècle. Le labyrinthe Renaissance, en fait, c'est un parcours initiatique. On va déambuler, alors il va y avoir des virages, hein, voilà, jusqu'au centre, et c'est la symbolique de l'évolution de l'homme, en fait. C'est des pensées philosophiques, en fait. C'est vraiment cheminer pour faire un travail sur soi, pour acquérir des connaissances, pour s'humaniser. On est dans un château humaniste, ici. Et cette pensée-là, elle est importante. Alors, on est vraiment dans un jardin qui est philosophique. Cheminer pour faire un travail sur soi. Un jardin philosophique. Maintenant, on a envie de t'inviter à une marche dans le jardin pendant ces quelques minutes. Pendant cette marche, observe, sens et laisse venir à toi des pensées. retient une idée, une image, un mot, une phrase qui t'est venue pendant ce temps de marche. Prends en note dans un coin de ta tête pour la suite de l'expérience. Avant de quitter les jardins, observe une dernière fois les ifs. Christian parle d'eux comme des sujets. Parmi les 60 sujets, il y en a deux qu'il affectionne particulièrement. Il y a deux ifs dans le jardin, oui, qui sont les sujets que je préfère, parce qu'ils ont la forme idéale pour moi. Et voilà, j'aime beaucoup les entretenir. Je sais que je n'ai pas le droit, mais je m'imagine même quand je serai mort, que j'aurai brûlé et que j'aurai été incinéré, que mes descendants viennent vider mes cendres au pied de ces deux ifs-là. C'est totalement interdit, donc ils ne le feront pas. Mais voilà, je m'amuse à me dire ça, c'est que... voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'incarner un petit peu le jardin de la bâtie. On t'invite à quitter le château par la porte de sortie à l'angle sud-ouest du jardin, en direction du prieuré. Traverse la passerelle qui se trouve près de la pergola. Une fois la porte franchie, tu quitteras ton casque et tu iras vers le jardin d'Astrée. On a mis des radios tout au long du chemin. Tu les suivras et tu écouteras ce qu'on a recueilli là-bas mardi matin lors d'une séance de désherbage. Bonne balade.